C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot. Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite AQP Radio con sus dulces melodías. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare. E sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai

j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia, tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Acupe Radio. Senza te, solo tu. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. Torno a casa mia e torni pure tu. Sono cose che succedono. Un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico. L'autostrada l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là ma ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. E finisce qui la storia di noi due, due ragazzi che si perdono. te senza te. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni. AQP Radio con sonidos del ayer. Siamo qui noi soli, come ogni sera. Ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Mi guardi in fondo al cuore, vedrai un nome scritto con le nuvole, che ombre disegnano di favola, con la magia di un incantesimo. E se quel nome leggerà una voce, sentirà la mia voce che ti dice t'amo, t'amo, t'amo, sulle parole che si spengono, cadono mille note tenere. felicità per la tua felicità. Questo incanto resterà. Per la tua felicità, questo incanto resterà. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençant, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Enjoy the sweet melodies that only offers you Akupi Radio. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentire svanire in me l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che sarei mai più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo, e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. Se tu sei di noi, vendi un sorriso, tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola. Su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi se tu vuoi volare. Proibiti di due innamorati nel posto più bello che c'è. Lontano dal mondo, portati dal vento, respira la tua libertà. Giocare un momento, poi corrersi incontro per fare l'amore qua e là. Ci siamo, poi presto ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Na na na na. Siamo arrivati all'ultima canzone. Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti. Alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli, alla batteria Massimiliano Agati. I tastieristi, pianoforte e tastiere, Roberto Magnanensi e Marco Pezzola. Le coriste Ilaria e Rossella. Grazie al nostro fonico Stefano Civitelli e al nostro fonico di palco Angelo Cattoni. E poi vorrei ringraziare anche chi ha organizzato un po' tutto dietro le quinte, Patrizia Abati, e vorrei finire con voi tutti insieme. Tutti insieme, pronti così, dai! Na na na na na na na na na na na na na, solo noi, su di noi, solo noi. Na na na na na na na na na na na, solo noi, su di noi, solo noi. Passato, vedi. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Qué me importa del mundo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento, amore mio, duri tutta una vita. Dolce amor mio, abbracciami forte, amore, amore, a te. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Amore, amore, amore, amore, amore, amore. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me? Se tu sei con me, se tu sei con me. Que de château perdu, que de retour le front vaincu, depuis que la vie m'a collé un rôle dans la déçu. Je cueillais à tout vent des rires d'enfant. Je marchais le cœur en bandoulière. Un beau matin, très fier, j'ai eu 20 ans. On m'a dit, écarquille les yeux. On m'a dit, mon grand, voilà le monde. Ne nous en veux pas, fais de ton mieux. Je serre les dents, moi qui avais le cœur en bandoulière. Il y a cette triste pagaille dont je dois sortir. Il y a cette immense muraille que je dois franchir. Je t'ai trouvé avec tes yeux d'enfant. Tu m'as offert ton univers. L'insouciance. Et Dieu me damnera si je te perds, car je vis de tes joies et rien que pour toi j'ai remis mon cœur en